dangereux, vous croyez? Je ne crois pas, non. J'ai sombre dans ce qu'on croit être un traumatisme dû à une absence de plaisir antérieur ou tout simplement d'une trop grande solitude. Il se renferme ainsi au fond lui-même et son cerveau se croit alors emprisonné de ce qu'il nomme sa maison hantée. J'interpréterais plus cette réaction comme étant pur ennui. Écoutons son témoignage. L'ennui, ça le traînait comme la peste. Je voudrais perdre cette race sans moi qu'elle ne m'aime et me mène à ma perte. Maison hantée. Pendant que c'est planté dans la boue, mouvement saccadé, je tâcherai dans un trou, j'ai ça trouvé. La lumière n'était plus l'oculaire et je n'avais goûté la blasphème dans mon oriclaire. J'existerais peut-être sur cette putain de terre. Une poésie, style prophétique, serait frénésie. Mon système supprime ma conscience, ma raison pénurie. Mais la date sévère, mon alphabet court, l'univers sans chaleur solaire. Ma colère attise l'équerre, transperçant mes poumons de mauvais air. On y met prière, ma foi se perd. Mutinerie intérieure, dans la tête de ma fausse, mes gènes, vaisseaux sont grain de tropie de haine. Vite cérébral, plus d'humanité subsiste dans mon cœur gelé. Ma créativité consigue retourner. Cadressé dans l'obscurité, l'ironie s'est joint dans mon rap atrophié. Le renoncé, ma folie diagnostiquée. La démence s'est fondée. Maudit, soit ma maison bâtie sur un abloti, sur une étante vomi, babas élémentaires, érigés de mouvements, c'est une malveillance psychique verbale, une gérance d'un être, une génétique malade, maladie du type sarcastique vocale, sous couleur de la couleur de leurs humeurs, saison hivernale éternelle, mon activité frénétique se révèle, de ma sombre cellule, chassé de lampadaire ou ma saccadère, de donner une flèche, c'est lyrique, sa filet fils, le futur cimetière déconcerné, propos salement et quelques grains de sable dans mon sablier, j'essuierai le sang moral sur mon tablier, légumineuse, neurones cérébrales calcinées, atteint de lésions dans une région d'acide. Les hommes en blanc m'en confirment fonctionnel, mais son souvenir baigne dans l'huile. Nul ne sait comment la libération sera confirmée d'IDR. Mais n'est rien pour ses êtres chers. Malheur aux autres, ses écrits sont gravés dans l'ardoise. Je sous le rite de leur prière, ma mémoire coulée forgée. Mon acte est sincère. Ma libération a été signée hier. Maison.